Allez chanter, faites-vous plaisir, bien sûr manger, après dormir, allez prenez, vous s'enrichir. Ça vaut le coup. Elle pourrait tourner cette ronde sans poussière ni grenade. Je m'en veux à chaque seconde quand dans la glace je me regarde. Elle pourrait tourner cette ronde, pas besoin de tous ces malades qui font sauter des bombes pour que leur soupe paraisse moins fade. Restez télé, prêt à bondir, empoisonné. Un enfant nous regarde juste à côté de sa tombe, même si c'est pas le mien.